c'est la question du résidu, la fameuse question. Tu soulèves dans ton énoncé de départ un intérêt pour ce qui a trait au résidu. Utilisant les textes de ta bibliographie, comment aborderais-tu cette notion de résidu et ses médiations au plan épistémologique, théorique et analytique, de telle manière à prendre en compte ses dimensions matérielles, infrastructurelles et temporelles, mais aussi imaginaires et métaphoriques? Point d'interrogation. Ben déjà, résidu est un mot extrêmement polysémique, mais c'est que son association aux déchets, aux détritus, cette connotation-là imaginaire négative a été, je pense, comme je disais, basée sur mes propres observations, a été basée sur des pratiques matérielles qui, comme je te disais, sont reliées à l'industrie où le résidu est une partie importante du processus d'extraction de valeur à quelque chose. Et que, bien sûr, c'est ça, on produit tellement, puis on extrait tellement de choses, minerais, de ci, de ça, de transformations, puis des transformations et tout, qu'on se ramasse avec des résidus en tant que collectivité humaine, qu'il y en reste tellement, puis genre, c'est qu'il faut, quand il reste d'habitude, il faut les gérer, tu sais. T'es censé en faire quelque chose après, t'es censé les traiter, t'es censé, puis que c'est ça, effectivement, on produit tellement que, il y a la question de qu'est-ce qu'on en fait de ces résidus. Puis c'est sûr que, là j'ai parlé de John Durham Peters, tu sais, qui fait cette association entre le média, c'est notre environnement, l'environnement, c'est le média, tu sais. Puis, je me demande... signification de déchets liés à résidus. Toi, au départ, tu étais comme... Je me sens comme un résidu, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je me sens comme un déchet. Fait que c'était cette posture de départ, c'est-à-dire, ok, quand tu dis résidu, ça veut dire que tu te sens comme un déchet. Puis ça s'incarne dans l'industrialisation. Oui, mais... parce qu'il reste des choses, mais ces choses-là sont des déchets. Oui, ces pratiques industrielles qui sont des pratiques matérielles ont créé ce déchet dans le résidu, et donc le résidu, en tant que concept, notamment imaginaire et métaphorique, s'est transformé dans nos propres pratiques. Donc aujourd'hui, dire « je suis un résidu », c'est dire « oui, je suis le restant, je suis un restant », mais c'est aussi dire « je suis un déchet ». Puis c'est aussi dire « on m'a donné ». Il y a des pratiques qui m'ont donné ce nom de déchet. Puis je reprends, qui n'est pas dans ma bibliographie, mais je vais reprendre Édouard Glissant, qui... Attends, je vais juste revoir la question un instant. Parce que j'avais pas lu la partie suivante. La deuxième partie, j'ai vu... Comment faire? Je vais te répéter la question au complet, avec la deuxième partie. Tu soulèves dans ton énoncé de départ un intérêt pour ce qui a trait aux résidus. Utilisant les textes de ta bibliographie, comment aborderais-tu cette notion de résidus et ses médiations au plan épistémologique, théorique et analytique, de telle manière à prendre en compte ses dimensions matérielles, infrastructurelles, temporelles, mais aussi imaginaires et métaphoriques? Point d'interrogation. Mobilisant ces différentes dimensions, explique pourquoi, comment, le résidu t'apparaît pertinent, sinon crucial pour réfléchir le entre parenthèses, non fin de la parenthèse, futur, point d'exclamation. Interrogation. Ok, ça a été drôle. Oui. Et en fait, pour penser ce différent sens de résidu, c'est d'ailleurs le texte de Tim Endes. Attends. C'est l'article Reckoning with Runes de Tim Endesor et Kathleen DeSilvey de 2013. Parce qu'il prend ruine, puis c'est pas tout à fait comme le résidu, mais c'est des affaires de degré. Puis il y a des choses, il y a des façons dont ruine est convoquée et agencée, où il y a des entrelacements parfois, ou des recoupages avec résidu. Dans ce texte, Reckoning with Runes, il regarde un petit peu comment est-ce que le champ universitaire mobilise la ruine. Donc la ruine matérielle, comment est-ce que c'est investi, comment est-ce que tu y mets du sens, comment est-ce que le sens, mais aussi comment la matérialité des ruines dépasse le sens, puis qu'au final tu peux y apposer n'importe quel sens, bref. C'est ce texte-là en fait qui m'a permis de penser la polysémie de résidus dans le sens que je lui donne moi, ou le sens qu'on lui donne par nos pratiques de recherche, de vie, d'industriel, etc., etc. Bah, je vais partir avec un passage de l'intro là, de Jonathan Stern, Not Degrees of Muteness, de son livre Diminished Faculties, où il revient sur ses états de conscience et inconscience pendant une opération / post-opératoire. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai juste dire cette phrase qui est, puis c'est de la phénoménologie, ben là. Et il dit, en adressant le fait qu'il est en train d'être un jeu, puis dénoncer, puis qu'il est une écriture, il dit... Est-ce que je suis censée être en contrôle? Parce que je ne contrôle rien, pantoute. En gros, ça c'est comment je m'en souviens. Et donc ça pose la question de la rationalité, de l'irrationalité, de la certitude et des incertitudes. Et encore une fois, en vrai, j'aimerais dire irrationalité avec un slash et incertitude avec un slash encore. Puis c'est relié pour moi aux études critiques du handicap et de la folie, et du mouvement mode. Je vois ces termes incertitude, certitude, rationalité, rationalité avec cette perspective-là. Je veux dire, tantôt on parlait de temporalité, de cohérence, de linéarité. Il y a de l'entente. On parle de faculté. Il y a ça aussi, c'est dans les adultes historiques, c'est nous qui ne veulent pas être dans le linéaire. Oui, c'est difficile de le performer, d'en avoir conscience, de l'adresser. Puis de le corriger. T'sais. Et je vais continuer à suivre ma pensée au lieu de suivre le texte puis suivre les questions. Parce que je vais partir avec Édouard Glissant alors. De cette entrevue, de lui que tu m'as montré, où au bout d'un moment, il est en Martinique, puis il est proche de l'océan, il regarde l'océan, il dit quelque chose comme « Tu sais, je peux pas être sur la mer et ne pas penser, quand je suis sur la mer, au gouffre. » Et à tous ces corps souterrains, tous ces corps qui peuplent le fond de l'eau à mesure que le bateau avance. C'est une sorte de... Le bateau en tant que gouffre, mais aussi l'immensité de la mer en tant que gouffre, puis aussi, lui, pour Édouard Glissant aussi, en tant que peuple qui s'est fait déplacer et mis en esclave, et qui vit des formes de néocolonisation. Donc, à partir de ça, je veux dire deux choses. Un, c'est comment est-ce que Édouard Glissant, en tant que chercheur et poète, écrivain, décide avec un mot, gouffre, en observant notamment son histoire, son passé, ce qui lui reste, en regardant le résidu en lui, à travers lui, le résidu, bref, en regardant ce qui lui reste. Et donc, quand on regarde ce qui reste, c'est notamment des dimensions matérielles, des dimensions infrastructurelles, temporelles. Du résidu, il essaie de réarticuler, par l'utilisation de la métaphore, le gouffre, tout un imaginaire. Parce qu'il n'y a personne, à ce moment, tu sais, il n'y a personne qui théorise l'esclavage comme un gouffre, et un gouffre qui se déploie de plein de manières différentes, notamment genre, tu sais, il dit, et pour nous, le bateau, ça invente, là, il n'y a pas de fond dans un bateau à la base pour nous. Fait qu'imagine, pour des gens, c'est quoi un bateau avec une caisse de fond, une caisse de résonance là, dans l'eau? C'est quoi aussi, pour nous qui n'allions pas aussi loin dans la mer, dans l'océan, c'est quoi d'être dans cette immensité de l'océan dont on ne voit pas le fond? Fait qu'il remobilise, il mobilise à nouveau, par l'utilisation de la métaphore, tout un nouvel imaginaire, mais pour créer de nouvelles épistémologies, pour théoriser, pour analyser. Et j'ai réalisé qu'avec le mot résidu et ses déploiements, et je dis résidu, il y a résidualité, puis il y a résidé. C'est sûr que je ne cherche pas à dire quelque chose de nouveau, disons. Le résidu, il est toujours là. C'est un fond diffus, mais oui, c'est ça, il diffus, mais il est always already new. Là, je reprends l'expression de Lisa Gitterman, dans le sens où il faut que je l'articule et que je le réactualise d'une certaine manière si je veux en faire sens d'une certaine... La façon dont il est incarné en moi, ses restants, ils ne sont pas les mêmes que tes restants à toi et tes résidus à toi. Comme... Mais ça veut dire qu'on peut trouver un commun quand même dans nos propres résidus. C'est sûr que si je le déploie, moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, résidu, résidualité puis résidé? C'est sûr que je ne vais pas le théoriser avec exactement les mêmes mots que toi, par exemple, qui parle de qu'est-ce qui te reste. T'sais. Et j'ai l'impression, dans la façon dont je cherche à le déployer, c'est aussi cette possibilité de se communiquer nos résidus, tu sais, d'avoir du commun aussi, puis je veux dire d'avoir du commun dans ces histoires qui ne sont pas les mêmes histoires, tu sais, on a des histoires très différentes, tous. Puis c'est aussi parce que sur le terrain, dans le contexte où je suis moi, dans mes propres, ben dans le monde, dans le milieu là, handicapé, fou, sourd, ce qui s'y passe, c'est pas des coalitions. En ce moment, c'est plutôt même c'est une affirmation de nos différences comme des différences, et non pas comme des possibilités. Il n'y a pas de possibilité d'union, et ça devient de plus... En fait, il y en avait, mais en ce moment, dans leur actualisation actuelle, puis je comprends la volonté d'autodétermination des sourds, je le comprends, mais c'est sûr que, en ce moment, l'autodétermination des sourds, elle se fait notamment en voulant se démarquer, se désolidariser, effectivement, de l'expérience handicapée, de l'expérience malade, de l'expérience folle, et c'est sûr que ça me fait un petit peu peur. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait eu, au bout d'un moment, notamment une sorte de momentum, une potentialité, et elle est toujours là, la potentialité, c'est ça aussi qui est fun, de coalition. Puis je comprends pourquoi ils veulent mettre de côté toute cette souffrance historique basée sur le génisme, basée sur l'annihilation, basée sur l'effacement, basée sur la stérilisation, basée sur... T'es. Mais il y a un moyen de récupérer ce qui traîne, de récupérer les résidus, puis de lui réassigner une valeur qui n'est pas celle du déchet. Et là, je repars avec José Esteban Munoz, t'es, qui essaie de dépasser les limites des politiques identitaires, puis des catégories identitaires, où c'est un passé qui détermine l'identité, c'est aussi le présent, puis ton identité elle est basée sur quelque chose qui est là en ce moment, mais ça veut aussi dire qu'elle est basée, elle n'est pas basée... Ménos, il essaie de dépasser les politiques identitaires qui, selon lui, ne permettent pas l'utopie et l'espoir. Et il propose plutôt un nous au futur, un nous en devenir, dans le sens où le nous, ce nous-là, on va dire que c'est un « on » au Québec, il n'est pas déterminé, il n'est pas basé sur une catégorie, en fait. Il est basé sur comme nous qui cherchons à... Nous comme potentiel. Oui, nous comme potentialité. Et c'est vraiment... Tu sais, ce nous, c'est plutôt... comment il parle de cette impulsion des futurités non normatives qu'on peut faire. C'est ce nous-là, là. C'est un nous de coalition, puis c'est un nous qui est dans le futur, tu sais. Genre, il y a des gens du futur qui n'existent pas, qui font partie de ce nous, là. Et c'est vraiment beau. Mais revenons à ma question. Chose qui est précieux, genre, ou qui vaut la peine d'être chéri ou whatever. C'est de rendre le résidu désirable. Ben, c'est pas de le rendre désirable, c'est il est désirable. Oui. C'est qu'est-ce qui me reste. Puis en même temps, tu faisais un parallèle avec les communautés handicapées en ce moment, puis ce truc de pas vouloir s'identifier comme handicapé pour plein de raisons. Puis c'est ça, c'est comme s'il y avait aussi ce truc de « ok, mais handicapé, ça veut pas dire déchet ». Quelque chose à chérir d'une certaine manière, c'est là où on se rend compte. C'est là où, aux États-Unis, handicap, c'est là où ils se sont tous retrouvés et qui ont réussi à accomplir des choses ensemble. Mais... Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, on dirait, sur ce mot-là. Puis parfois, j'ai pas envie non plus, j'ai peur de le déployer. Tu sais, mon but, c'est pas de naturaliser, puis d'objectiver et de généraliser une théorie. Là. Le but, c'est pas de... J'essaie de trouver quelque chose qui me permet d'articuler à la fois... En fait, je dirais que le résidu, je le vois comme une interface entre différentes choses. Puis, tu sais, le résidu, c'est moi. Mais c'est l'interface entre plein de choses. C'est l'interface entre... Dans mes notes, il y a un endroit où j'ai écrit « Le résidu, c'est la folie et le trauma ». J'ai répondu à la question. Fait que j'ai cherché quelque chose. Et je pense que c'est comment est-ce qu'il s'incarne en moi. Mon résidu à moi, mes résidus à moi, que là je peux aller parler de ces médiations épistémologiques, théoriques et analytiques. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, oublier, par rapport à l'épistémologie? Qu'est-ce qui se passe, moi, là? Qu'est-ce que ça veut... Pourquoi j'ai autant de misère à comme articuler tout ça, là? Oui, vas-y, s'il te plaît. Je veux tellement y répondre, c'est tellement... Sur le résidu, parce que au départ, là, cette idée de résidu, tu l'abordais comme étant toi, tu es un résidu. Tu ne l'utilisais pas comme j'ai des résidus. Il y avait aussi ce résidu de matière dangereuse résiduelle, de matière résiduelle, qui, toi, qui te considérais comme un résidu de quelque chose. T'as raison, merci. Qui était là où ta conversation avec Kim, ça tourne autour du déchet, se sentir un déchet, puis ça, c'était relié à votre expérience. D'ancêtres, d'histoire de colonisation, etc. Ouais. Tandis que ça s'est transformé depuis. C'est plus juste je suis le résidu comme avec ça chargé de déchets. C'est pas juste ça. Tu sais, comment t'es parti de je suis un résidu à autre chose? Parce que là, tu formules ça d'une autre manière. Je sais, mais c'est parce que j'ai réalisé que c'était plein d'autres choses aussi. Là, je suis comme oh fuck. Mais par moment, comme. Mais de cette première façon dont tu le disais, ah oui, je pourrais être juste ça, genre juste déclarer. Tu sais, c'est si on reprend. Si on revient en physique-chimie, genre d'où qu'est-ce que c'est un résidu? Tu sais, ça vient d'un processus chimique, biochimique, physique, etc. Ok, je recommence. Dans un contexte capitaliste, le résidu, il est aussi humain. Fait que, tu sais, c'est pas juste des minerais, là. C'est pas juste la transformation de l'environnement, là. T'es en train de produire des nouvelles choses pour en extraire de la valeur, pour faire de la valeur, blablabla. Mais en même temps, tu, c'est pas de la production, mais tu, ce que tu fais fait quelque chose. Et ce que ça fait, c'était pas ton but. Mais les moyens pour atteindre ce but, il y aura toujours du restant. Il y aura toujours du résidu. C'est genre, c'est ce processus, le résidu est itinérant au processus. Puis il existe avant, pendant, après. Tout le temps, là, le résidu est à changer. Cette machine, là, elle crée des résidus qui sont humains, là. C'est un truc encore de reconnaissance, t'sais, mais fait que c'est sûr quand je me demande de, je suis le résidu de quoi, mais je suis le résidu de crissement de choses, t'sais, je suis le résidu de colonisation, je suis le résidu de migration, je suis le résidu d'effacement, je suis le résidu, je suis beaucoup un résidu, je suis beaucoup le restant dont on s'est pas occupé d'une grosse machine de production qui fait de la valeur, là. Mais le problème c'est que le résidu c'est pas juste moi, là. Et c'est là où le résidu de chacun est différent dans de ces grands processus capitalistes basé et imité sur un processus biochimique, comment est-ce qu'en toi ça s'est matérialisé? Comment est-ce que ça s'est incarné? Et c'est sûr que parler de résidus, ça permet aussi à ceux qui, dont le passé ne compte pas, ou, et là je reprends Edouard Glissant, dont le passé n'est que célébration, il dit comme, qu'est-ce qui se passe quand la personne saute l'esclavage pour aller au roi nigérien badass, là. Et encore une fois, ça revient à qu'est-ce qu'on fait de nos déceptions? Qu'est-ce qu'on en fait de nos traumas? Qu'est-ce qu'on en fait de la folie? Il faut qu'on l'adresse, je suis fou, Puis je dis mais c'est un jeu de philosophe, c'est un jeu qui recoupe plein de gens. Et donc c'est se penser, tu sais, c'est le média, c'est la nature c'est le média, le sable qui devient vert, le vert qui devient consommation, qui retourne salvage, nanana, retour, hein. Là c'est un peu bancal, là, mais il y a un truc... Dumpster. Archive. Oui, là il y a aussi Parika qui parle de Remains, qui est différent de résidus, mais qui s'en rapprocherait le plus aussi. Là encore un peu comme Reconning Runes, c'est une affaire de degré. Puis lui, il s'en va beaucoup dans l'archive. Et donc, en fait, dans le résidu, il y a aussi, comme je disais tantôt, c'est une interface, notamment de, je reprends un autre texte, de, une interface entre la grande histoire puis la petite histoire. Donc la politique puis le politique. Et ça peut être une interface de beaucoup de choses. Puis c'est aussi une interface, un passé, dans le sens de entre ce qui a déjà été et de ce qui sera, ce qui sera. Fait que c'est le présent, mais c'est moi, c'est, qu'est-ce que je fais du résidu, puis qu'est-ce que nous, comme dirait Ménoz, ou on, au Québec, qu'est-ce qu'on fait du résidu? Puis en fait, même, qu'est-ce qu'on fait des résidus? Puis là, je dis des résidus en tant que... un peu comme on utilise média, un avec un S et un sans S, dans le sens que le résidu a des, a des itérations uniques en chaque individu, c'est dépendamment de quelle interface on est, si je puis dire. Puis si moi, le résidu, je suis fou, je suis issu de d'histoire, de trauma, et... mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau épistémologique, ça? Qu'est-ce que ça veut dire que j'oublie beaucoup? Qu'est-ce que ça veut dire le fait que j'oublie, tu sais, les politiques de la mémoire, là? Ok, je vais prendre un autre exemple que l'oubli. Qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui peut avoir des moments de désillusion? C'est-à-dire des moments où on fait des liens entre les choses et le sens qu'on assigne aux liens est vécu comme véritable sans qu'il le soit forcément. Qu'est-ce que ça veut dire pouvoir démontrer des liens insensés et le croire absolument, parce que les signes sont en soi et les signes sont à l'extérieur, les évidences, tu sais, je veux dire, la méthode scientifique, les méthodes scientifiques, il y a des moments d'irrationalité qui peuvent être vécus par le sujet fou, où je peux produire exactement, je peux produire quelque chose avec des méthodes scientifiques, mais on fait quoi alors de, tu sais, je veux dire, rien outre que l'infrastructure qui détermine est-ce que c'est rationnel ou irrationnel? Parce que si je dis pas que je suis fou, là, je peux t'écrire des machins. C'est compliqué, mais il y a cette question de l'irrationalité. T'sais, si je suis pas en contrôle, qui c'est qui contrôle, là? Quand j'écris des textes, là, puis quand j'écris une maîtrise et tout, qui c'est qui est en contrôle si je suis fou? Puis quelle valeur on donne à cette connaissance-là? Il y a moyen. T'sais, pourquoi est-ce que j'existe dans l'université si je suis fou d'abord? Si l'université est un lieu de... rayonnement de la rationalité, de fondement de la rationalité, je devrais pas être là, mais. Fait qu'il y a un truc qui fonctionne pas, là. Ça veut dire que la connaissance, le savoir, là, c'est plus juste dans la rationalité que ça s'opère, là. Fait que ça, c'est une des possibilités d'articulation du résidu. Mais aussi, dans la folie, il y a beaucoup souvent le sentiment d'identité aussi, ou de, qui peut être fluctuant ou remis en question. T'es quoi comme chercheur si selon le DSM-5, ta perception de la réalité est distordue ou que le DSM-5 dit que la perception que tu as de toi ou de je sais pas quoi est distordue. Tu sais, je veux dire, on va parler de faculté. Oui, faculté. Puis c'est comme si c'était en tout temps, t'es comme mais. Mais en même temps, ça fait beaucoup de choses. Tu sais, la folie. Là, je parle de Van Doren, par exemple, qui a parlé dans l'extinction des espèces. Il y a des formes de vie qui se perdent. Il y a des formes de relationnalité. Il y a des formes d'être. Il y a plein de choses qui se perdent. Mais qu'est-ce qui se perd si on élimine aussi le. De l'université aussi, d'ailleurs. Ou si le résidu est vu seulement comme un déchet, et donc quelque chose dont il faut absolument se débarrasser, qu'est-ce que ça veut dire pour tous les résidus de ce monde, dont leur corporalité, l'incarnation ? Oui, sont des formes de vie, comme le dit Van Doren, des formes de relationnalité, des formes d'être, des formes tout court, qui seraient perdues si on voit le résidu seulement comme un déchet. Mais aussi le résidu, là, mm-hmm. Si on réfléchit avec nuance, oui. ça peut pas justement signifier cet espoir, tu sais. Il me reste quoi? Oui, aussi. En fait, on dirait que je cherche un peu à faire comme Ahmed fait, Sarah Ahmed, souvent, c'est... Elle prend des mots, souvent un mot, puis elle le vide de toute sa polysémie. Puis elle le prend, puis elle le retourne dans tous les sens, elle le met dans une orientation temporelle, une autre orientation temporelle, après une autre orientation spatiale, et voit, genre, ce mot, où est-ce qu'il l'amène, comment il se déploie dans tous les sens, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis pas encore capable. C'est beaucoup de choses. Puis j'écris à des endroits ce que c'est, à un autre endroit ce que c'est, et j'ai encore du mal à l'articuler dans tous les sens. Mais oui, j'y vois des potentialités épistémologiques, théoriques et analytiques. Parce que ces dimensions matérielles, infrastructurelles, temporelles, imaginaires et métaphoriques, babababa. C'est parce que j'ai marqué le résidu crucial. Puis là, j'ai mis tous les textes que je dois citer. Puis je vois tous les textes, puis je suis comme... Oh. Mais je ne sais pas pourquoi il est crucial, le résidu, pour penser le futur. Permet de faire quoi? Un, ça a été quelque chose auquel tu t'es rattaché pour, tu sais, d'où ça vient. C'est, au début, c'était vraiment en lien avec l'industriel. La contamination. Le dommage que ça peut faire. Enfin, c'était vraiment dans cette idée de déchets où, après ça, c'est devenu une métaphore identitaire. Je suis le résidu de... Ok, mais finalement, c'est pas juste ça. Ça peut être de l'espoir. Ça peut être de l'identitaire précieux. Ça peut être des drames. Puis on peut choisir qu'est-ce que nos résidus, on les considère comme des déchets ou des trucs qu'on veut chérir, garder, rendre pérenne, à ne pas oublier, à léguer. C'est pour ça que moi je restais beaucoup sur son acception vraiment plus générale qui est ce qui reste. Ouais. Qu'est-ce qui reste de... Là, on peut mettre tout, on peut mettre... Oui, t'as raison, je suis d'accord. Qu'est-ce qui reste de la colonisation chez vous? Qu'est-ce qui reste de ton éducation? Qu'est-ce qui reste de... Et c'est ça le truc, on dirait que parfois, parfois on dirait que je peux le déployer dans tous les sens, tu sais. Oui, puis le gouffre aussi. Fait que c'est là où faut que tu reviennes à toi. C'est quoi ton résidu? Mais qu'est-ce qui te reste à toi? Qu'est-ce qui te reste à toi dans le sens nuance, le genre? À quoi tu t'accroches, genre, qu'est-ce qui te reste qui vaut la peine? J'y vois la possibilité de mobiliser des affects particuliers, des mots particuliers, des pratiques reliées à ce mot de résidu qui font beaucoup de sens pour beaucoup de monde parce que le résidu est justement déployé à des niveaux industriels et compagnie qui fait que le résidu il existe aussi pour Régent Tremblay. Puis que pour penser notre horizon actuellement, et là c'est, on parle beaucoup de l'horizon de queerness, et la queerness comme un horizon, l'horizon est beaucoup vu comme une extinction en ce moment. Et parler d'extinction, c'est un mot qui est déployé justement de plein de manières, métaphoriquement, de façon imaginaire, de façon infrastructurelle, de façon matérielle, etc. Puis qu'est-ce que ça fait de mobiliser l'imaginaire de l'extinction pour penser notre futur actuel? Puis de dire, le futur, c'est l'extinction. On est dans l'extinction, extinction. Extinction de masse, sixième extinction. C'est là où le résidu il devient crucial à être pensé parce que parler d'extinction, et ça c'est aussi Haver qui mobilise la différence entre totalité puis globalité. Mobiliser l'extinction comme si c'était notre horizon commun, comme si c'était l'horizon de tous et toutes, ben c'est comme, tu sais, genre leur question, cette question-là, elle est bonne cette question-là. Genre, je veux y répondre, puis j'ai essayé d'y répondre, puis je pense que ça vaut la peine d'y répondre par écrit. Fait que ça me fait chier de pas en ce moment réussir à dire tout ce que je veux dire, puis effectivement c'est... Quand je parle d'oubli, c'est qu'en ce moment, je suis dans une phase où j'oublie beaucoup. écrit ou parlé, les fonctions exécutives, c'est difficile. Fait que là, j'essaie de parler, là, mais j'oublie au fur et à mesure. Fait que c'est bien difficile de produire une pensée complexe. Tu sais, je peux écrire pour ma thèse. Je peux écrire. Écrire pour demain, je peux pas. T'sais. Ou alors, tu sais, j'ai même des morceaux de poésie à droite, à gauche, en haut. Tu veux que je lise? L'horizon est extinction dans nos sociétés du Nord global. On le totalise, on le globalise, voire haver pour cette distinction totalité globalisée. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ta recherche qui était de par exemple, nous sonder, nous, sur notre rapport aux résidus en tant que travailleurs de la construction, mm-hmm. en démolition. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait quoi, genre, avec ces résidus-là qui sont dangereux? C'est des mm-hmm. matières dangereuses, puis ça implique des protocoles précis pour nous protéger, mais protéger aussi la population. Mais là, on fallait qu'on gère un résidu qui est indestructible. C'est l'infrastructure qui détermine vos politiques pour gérer ce résidu. Ce résidu, puis au départ, c'était pas le résidu. Au départ, c'était la matière extraite pour exploiter. Mm-hmm. Oui. Il restait quelque chose. Il y a eu des résidus de toutes ces mines d'amiante-là. Mais là, maintenant, c'est l'amiante même qui est devenue un résidu ingérable qu'on enfouit dans des sacs de plastique, ce qui est complètement absurde, qu'on enfouit dans la terre. Ce qui reste. Et on sait que l'amiante est indestructible. On sait pas comment détruire les fibres d'amiante. Mm-hmm. Et c'est pour ça, on dirait que... Fait que, juste d'énumérer comment t'en as parlé du résidu. Ouais, on dirait que j'ai juste du mal à le voir, mais... Puis aussi... Rappelle-toi, tu sais, t'as travaillé le campus 1000, le terrain contaminé, ce qui reste, normalement, ça produit quoi? Il me permet de faire plein de choses et de les unir, en fait. C'est mon concept opératoire, là, en ce moment. C'est parce que je peux déployer énormément de mondes qui sont pas entrelacés. Ben, oui, ils le sont, en réalité, mais qui sont pas entrelacés d'habitude. Tu sais, je veux dire, tu parles de votre travail, de votre ancien travail. On parle de corps, on parle d'individu, on parle de travailleurs. Mais vous répondiez à des obligations, qui est que les infrastructures doivent... le déchet résiduel, lui, ce qui est censé prendre soin du déchet résiduel, c'est l'infrastructure. Tu sais, si je fais de la photographie argentique, puis que j'utilise effectivement un processus chimique, un processus pour pouvoir... révéler les nitrates d'argent et compagnie, tu sais. Il y a la question de, ok, une fois que j'ai atteint mon but, j'ai développé ma pellicule et j'ai même tiré une photo, tu sais. Qu'est-ce qui reste comme résidu? Tu sais, je veux dire, j'ai pas juste fait de la photo, là. J'ai créé des choses que je dois gérer. Oui, ok, je vais le mettre dans le contenant des déchets résiduels. Moi, après, je pars, là. Il va où, mon déchet? C'est là où... Ah oui, c'est vrai, c'est là où j'avais commencé à parler, à théoriser le résidu comme... Là, c'est encore un truc qu'on retrouve. Le résidu, c'est dans notre réalité, peu importe ce qu'on cherche à faire, l'objectif, le but, l'intention, il va y avoir du résidu. J'allais dire, on va créer du résidu, mais le résidu est déjà là en vrai, mais il y a des choses comme la construction qui crée du résidu. Fait que là, il faut, c'est là où effectivement il y a différents types de résidus, puis je parle pas tout le temps du même. Donc. Mais si on garde le résidu matériel, ben, au niveau. Et que je le dépose au niveau théorique, ben, ça pose la question de n'importe quel geste, n'importe quoi crée du résidu. Fait que ça donne une gravité à notre... Ça peut donner une gravité à des choses qui nous paraissent éphémères, t'sais. Genre... Et ça donne une gravité. Dans le fond, ça vient affaiblir cette idée d'éphémérité. Ouais. Parce qu'il reste toujours quelque chose. Oui. Là, faut qu'on recule un peu, là, parce que je sais pas où tu t'en vas avec ça. Par rapport à la photo, ce que je voulais dire, c'est que... On décide d'utiliser des mots résidus, mais on décide aussi... T'sais, c'est d'abord un déchet. T'sais, c'est quelque chose à jeter. T'sais, après avoir développé ta photo, c'est vrai, faut que tu le gères, tu le jettes. Oui, c'est quelque chose à gérer, à jeter. Enfin, c'est plus de l'ordre du déchet. Mm-hmm. Puis on va dire, tu sais pourquoi dire un déchet résiduel? Mm. C'est parce qu'il y a une différence. C'est ce qui reste est un déchet. Mais le déchet n'est, en tout cas... Ouais. Le déchet dire, résiduel est... Un résidu n'est pas nécessairement un déchet. Ouais. Puis en linguistique, il y a ça, tu sais, de... Il va falloir que je retrouve les termes, mais mettons, dans le dictionnaire, tu vas avoir le mot animaux. Mm-hmm. Puis tu as des sous-catégories. C'est là où on peut dire, mettons, mammifères, etc. Dans animaux, il y a toutes les autres. Chats, mammifères, non, c'est tous des sous-groupes de mots. Mais animaux est comme une catégorie qui englobe tout. Qui le résidu, en fait, c'est cette grande catégorie comme animaux. Mm-hmm. Qui, dedans, il y a la possibilité du groupe déchets. Mm. Mais un déchet ne veut pas dire résidu. Ouais. Mais même parfois il y a même pas d'entrelacement du sens dans certains déploiements de résidus. Mais effectivement, en tant que concept opératoire, j'ai l'impression que je peux tellement le déployer, j'ai l'impression que je peux le déployer de différentes manières qui me permettent de parler de beaucoup de choses qui m'intéressent puis qui sont reliées pour moi. Mais je pense que sa pertinence, là, mm-hmm. sa crucialité, puis c'est ça qu'il faut que j'articule absolument avant d'en finir là. C'est comme pourquoi c'est crucial. Excuse-moi, je vais te laisser parler. Là, il va falloir que tu m'écoutes. Oui. Le résidu, le, comme concept pour réfléchir, whatever ce que tu veux réfléchir en ce moment, mm-hmm. il est crucial à cause qu'il n'y a rien de nouveau. Parce que le résidu, ça implique quelque chose qui était avant, mm-hmm. qui est là, oui. puis qui va être là. Oui. OK? Fait qu'il y a cette idée, un, qui vient au niveau temporel. Mm. Oui, oui, oui. Ça implique le passé, le présent et le avenir. Mm-hmm. OK? Ce qui reste. Ce qui perdure. Mm. Okay, yes sir. Restez barbare. Restez barbare. Désormais, ma demeure. Puis aussi, ça implique que s'il y a du résidu dans tout, mm-hmm. ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau. Mm-hmm. Là, on peut revenir à cette notion d'extinction. Mm. C'est pas nouveau l'extinction. Non. C'est pas quelque chose qui. On meurt depuis toujours. C'est pas l'humain fait face à l'extinction. Tu l'as dit. Il y a tellement de monde qui l'ont vécu l'extinction. Mm. Déjà. Puis Azuri, elle va le dire aussi, il n'y a rien de nouveau, il faut désapprendre cette idée du nouveau parce que ta terreur d'aujourd'hui que tu pensais nouvelle, l'extinction par exemple, c'était la terreur de d'autres peuples il y a longtemps. Ouais, même, ouais. Ou même, tu sais, je veux dire, en ce moment. Tu sais, il y en a plein des gens qui vivent l'extinction en ce moment. C'est-à-dire d'autres espèces, puis comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi des manières de vivre, mm-hmm. des modes de vie qui disparaissent, tu sais. Ouais, c'est que là, je pense que c'est crucial parce que avec l'idée d'extinction, tel que c'est formulé en ce moment, c'est l'extinction d'une masse, l'extinction d'une minorité, c'est l'extinction d'une minorité privilégiée qui s'incarne beaucoup dans c'est quoi l'universel, c'est-à-dire l'homme blanc, si c'était blablabla. Puis en formulant l'extinction, la grande question c'est, ok, mais qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va rester de nous. Mais, puis c'est genre cette idée d'extinction là, c'est ok, mais après il n'y a plus rien, tu comprends? Oui, mais c'est aussi... si on pense aux résidus, si on décide non, il y a toujours quelque chose qui reste, il y a un restant, il va rester quelque chose après. Mm-hmm. Ça veut dire. C'est là où on peut se poser la question, ok, mais extinction puis résidu, est-ce que c'est deux concepts qui peuvent vraiment être un à côté de l'autre? Est-ce que c'est vraiment un phénomène pas tant nouveau, mais qui est comme réel? La résidualité, genre? Non, l'extinction. Dans le sens où, c'est comme si on en avait parlé dans les milieux dominants de comme, ah, crise climatique, l'extinction, mm-hmm. Puis là, on est dans une situation où c'est le nord global, c'est les dominants qui sont dans cette urgence-là, puis dans cet horizon d'extinction-là. Ben, oui, mais le problème, et pourquoi c'est crucial, c'est parce que c'est ces gens-là en ce moment qui sont en train de déterminer les conditions de l'extinction, et aussi à qu'est-ce qui va rester de cette extinction. Puis si le résidu est théorisé par les gens qui théorisent l'extinction en tant qu'humaine, là, je veux pas nier l'extinction d'espèces et de formes de vie, là, je veux dire, il y a vraiment des choses qui disparaissent. C'est vraiment, je veux dire, le dodo, il n'existe plus, genre, il est fini. Mais c'est que de formuler le moment qu'on vit, le moment vécu comme une totalité, qui est l'extinction et notamment l'extinction de la vie, c'est de l'exceptionnalisme humain. Là. C'est comme, oh, t'es pas la vie, là. Hein, la vie, elle va continuer, très certainement que les humains ils vont continuer, c'est juste ta mortalité est mise en jeu. Puis en ce moment, tu paniques. Puis si le résidu, en ce moment, il est rethéorisé à partir des conditions des personnes les plus privilégiées, il va rester quoi? Tu sais, je veux dire, si on n'a même plus le résidu pour être connu, si le résidu, ça devient genre... Ben, la personne crissement riche là qui peut se payer sa non-extinction. Parce que l'extinction, c'est, je veux dire, il y en a qui vont pas la vivre, puis il y en a qui vont la vivre, et il y en a qui l'ont déjà vécu de multiples fois. Fait que le résidu peut pas être... Il faut que ce soit des résidus. Des personnes qui savent, qui comprennent au niveau de l'affect, de la forme, c'est quoi se sentir et être un résidu. Pour pouvoir remobiliser, notamment dans l'imaginaire, comme Glissant l'a fait avec le gouffre. Mais c'est quoi des affects? Comment ça affecte un résidu? Puis si je suis capable, puis le but, c'est... T'imagines si ce qui reste, c'est genre François Legault lui, et ses amis, puis que c'est ça un résidu, mais qu'est-ce que je suis moi? Genre, what? T'es même plus un déchet, là, out of the future. Puis Kaffer parle beaucoup des futurités creep, justement pour notamment arrêter que l'on dit le fou, hein, puis il soit out of the future. T'sais, en ce moment, il y a des tentatives d'innover, des tentatives de décontaminer, de ci, de ça, pour créer, pour répondre à cette idée d'extinction. Mais les prémices sur lesquelles il se base fait fi de ce qui reste déjà. T'sais. Je veux dire, il y a déjà du résidu. Pourquoi est-ce qu'il va falloir... T'sais, il va y avoir une reformulation de c'est quoi ce nous, puis c'est quoi qui reste. Et quand tu vois dans Malex, en Mila, là, avec l'intelligence artificielle, puis qui est comme pour le bien de tous, nous, le bien commun. Ah. Puis tu lis ça, puis c'est vrai, t'es comme nous, ouais, yes, nice, il faut faire attention. Hein. Mais tu comprends que c'est un nous identitaire, puis c'est pas un nous en devenir. Oui, t'as jamais vécu ça, toi ? Ouais, c'est ça. C'est la première fois. Tout le monde a vécu l'extinction de quelque chose ou de. Ouais, c'est ça. Combien de gens qui parlent pas leur langue, là ? Un horizon d'extinction, c'est la réalité de tellement de monde depuis tellement longtemps, que là, on dirait que c'est comme. Nous sommes arrivés à ce point. Oui. Comme, non, il y a tellement de monde qui sont déjà arrivés. Ces dominants qui sont en train de parler de l'extinction comme si c'était quelque chose de nouveau. Oui. En fait, ils sont en train. Parce que tantôt, tu parlais de Bush. Ils sont en train de créer l'extinction en l'ayant comme réalité d'horizon oui. En ce moment. Exact. Mais il y a plein de monde qui sait c'est quoi vivre une extinction ou la menace de l'extinction. Mm. Puis d'en être restant. Puis d'en être, oui, d'en être un résidu. Dont la colonisation. Oui. Tous les peuples, les communautés autochtones qui n'existent plus aujourd'hui, ou tout ce qui est culturel. Fait que cette idée d'extinction, mais il reste des choses, il reste des savoirs qui sont autres. Puis c'est là où on tombe avec Minos, qui est plus de l'ordre de l'utopie puis de l'espoir. T'sais. Mais ce qui reste devient de l'espoir pour l'utopie. Bref. Oui. Fait qu'en ce moment, ce qu'on peut comprendre, c'est que cette fausse idée d'extinction est en train de créer la réalité d'une extinction à venir. Donc créer un futur, parce que là c'est les dominants là. Fait que c'est eux qui sont en train de créer des réponses, des technologies, des manières de penser, des ordres sociaux en réponse à l'extinction qui s'en vient. Fait que là on revient avec Bush qui crée la menace, qui finalement, tu sais, c'est là où on tombe en guerre. Fait que finalement ton idée de résidu, ça permet ça, ça permet de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tu sais, what the fuck l'extinction? I know. De quoi vous parlez? Mm. Mais ça, c'est par le résidu que tu as pu comprendre ça. Mm-hmm. Ouais, parce que tu n'aurais pas pu te rendre là sans le résidu, sans rester barbare, sans la... Oui. Qu'est-ce qui reste de la colonisation? Qu'est-ce qui me reste, moi, comme truc précieux à chérir? Qu'est-ce que je veux aller rechercher de ce qui reste de la colonisation par rapport à mon histoire? Qu'est-ce que j'ai comme histoire? Qu'est-ce qui me reste de l'histoire? Qu'est-ce qui me reste de ma tumeur? Qu'est-ce qui me reste de... Des langues, du pays, des gens. De la France. Bah oui, aussi. Mais qu'est-ce qui me reste? Puis même au niveau physique, qu'est-ce qui me reste de l'Algérie, physiquement? À ma face. Fait que, tu sais, c'est tout ça. C'est quand je dis l'important, on dirait qu'il ressort, c'est vraiment cette idée de ce qui reste. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je veux chérir? Puis c'est là, moi, où, oui, il y a les déchets. Oui. Mais c'est un choix aussi à faire. Est-ce que tu le vis comme un déchet ou tu le vis comme quelque chose à chérir? Mais aussi, c'est que tu peux les trier, tes résidus. On peut les transformer. Après, on peut aussi les transformer. On tombe dans le comment. C'est l'autre partie de la question qui est comment. Donc, c'est... J'ai réalisé récemment que quelqu'un qui sonne et qui tape dans le fond, ça me fait paniquer. Ça me tue, ça me met dans des états. Mais je pense que moi aussi ça me tue dans le sens où la porte d'entrée chez nous, là, ouais. C'était quelque chose, la porte d'entrée. Enfin, absolument barré. Il y a des gens qui ont essayé de rentrer chez nous, puis la police, puis le, tu sais, ou un voisin complètement pété qui fonce dans la porte, ou la voisine saoule qui genre s'est trompée de porte, mais qui essaie de rentrer, puis là moi je suis enfant, là j'ai peur, puis bref. Nous c'était des portes qui sont, tu peux pas... Il n'y a pas de possibilité d'entrer par l'extérieur. Fait que je pouvais m'embarrer sans mes clés, mettons. Puis les portes, elles étaient genre épaisses de même. C'est comme des portes type de métal. Je mettais l'impression que c'est des portes par balles, anti-balles. De bunker, genre. Ouais, ça fait porte de bunker. De bunker. Le résidu, là. Mais je le sais, c'est ça. Oui, je sais, mais on est en train de le formuler. Ah oui. Puis le comment, on dirait que j'y suis presque. Okay, le comment, c'est dans la transformation du résidu. Puis il va falloir que je continue là-dessus tantôt. Oui, puis chérie, oublie pas ça parce que. Ouais, j'oublie ça, t'as raison. C'est précieux. Puis de dire qu'il y a de la valeur. Savoir. Mais tu sais, ce qui reste, c'est aussi moi. Tu sais, je veux dire, moi, je suis précieux. Tu sais, je veux dire, ma peau, mon antériorité, ma colonne, tu sais, je veux dire, c'est ça aussi qui me reste de l'Italie, de l'Algérie. Tu sais, c'est aussi du trauma, du bonheur, de la célébration, des deuils, des mariages, tu sais. Fait que oui, effectivement, faut que je le chérisse. Tu prendras ta flamme, et oublie pas que t'as une flamme. Merci, la petite flamme. Je pense à manger. Ah, j'ai presque fini, on a presque. Ouais, mais les fesses sont toutes, Wow. Je sais pas, là. Il est parti chercher ton ordi? Ah non, c'est le 23 qui revient, le monsieur.